Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Speedrunner, l'envers du décor. Comme vous pouvez l'entendre, il y a du changement, vu qu'on attaque notre première hors-série. Aldra a eu la gentillesse de bien vouloir me laisser la main à la présentation. Aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet bien spécifique et pouvoir à tous et à chacun offrir la possibilité de comprendre un nouveau système du speedrun. Mais bien sûr, pour cela, je ne vais pas être seul et je vais être accompagné par mon acolyte non-alcoolique, c'est-à-dire Aldra et Lonal. Aldra, comment vas-tu ce soir ? Bonjour Sefcor, très bien et toi? Moi ça va parfaitement bien, donc aujourd'hui nous allons apprendre, alors on va sortir le GPS, la carte Michelin, le mapping, c'est cela hein? Et la carte IGN. Et la carte IGN, oui bien sûr, car ce soir nous allons parler routing, mais bien sûr il va nous falloir des spécialistes, et donc dans ces cas nous avons invité NeoSlash. Salut tout le monde. Camille Leco. Bonsoir à tous. Et Kevel. Hola mates. Et donc, nous allons essayer de vous faire comprendre ce que c'est exactement le routing et l'importance qu'il a au sein du speedrun. Et je vais demander déjà à Aldra, je vais me mettre en position un petit peu défavorable, de me dire à peu près une définition simple du routing, s'il te plaît. Je pensais que tu allais faire une présentation de nos invités d'abord. Ah, oui. tu me prends des pourvus, mais c'est clair. Je pensais la faire juste après qu'on ait fait pour spécifier par rapport au routing. Dans quel jeu chacun l'avait fait. Mais si tu veux attaquer ça d'une façon un petit peu différente par rapport à mon port, il n'y a pas de souci, je m'adapte. Oui. Et donc ce soir, nous avons Kevel. Kevel, si je ne me trompe pas, tu es un spécialiste de FF8. Tout à fait. Et tu run en randomizer. Alors non, c'est pas vraiment du randomizer, c'est plutôt une spécificité au niveau de l'expérience gagnée au cours des combats. D'accord, parce que... T'as la caille pour cent. Non, parce que le randomizer speedrun, c'est bien sûr Camille Leco qui nous l'effectue dans FF10. C'est ça. Le randomizer en lui-même, ça correspond à quoi, juste pour les personnes qui se poseraient la question? Alors, le randomizer en lui-même, pour ceux qui auraient un petit peu touché à FF10, ça consiste à mélanger toutes les cases de ce qu'on appelle le sphérier. C'est le système qui permet d'évoluer dans le jeu et d'apprendre des compétences. Toutes les cases de ce système-là sont mélangées, donc chaque run est différent. D'accord. Donc tu speedrun depuis à peu près combien de temps? C'est juste pour savoir si t'es fiable pour le débat, parce que si ça fait 2 semaines, tu sors. Hein. Ouais, sur FF10, ça doit faire 1 an et demi, je dirais. Ah oui, ça va. T'as combien speedrunné sur d'autres jeux, ou ça a été directement... Ouais, j'ai déjà speedrunné plusieurs jeux différents. J'ai commencé par du Donkey Kong Country 1 et 3. J'ai fait du Zelda Ocarina of Time en glitchless. J'ai fait un petit peu de Dishonored aussi. Et actuellement, je suis en train d'apprendre le run de Super Castlevania 4. D'accord. Bah, je t'en remercie d'être présent pour ce débat. En même temps, bah, t'as une expérience sur le routing, parce que justement sur le randomizer, t'as été obligé d'effectuer un routing. Ouais, voilà, alors bah, je pense qu'on rentrera peut-être un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Exactement. Mais c'est vrai que le routing sur FF10 randomizer est omniprésent, c'est ce qui fait la run et c'est ce qui en fait l'intérêt. Donc je vais retomber sur mes pieds et demander à Kevel, donc tu es runner FF8. Tout à fait, oui. As-tu une partie, ton speedrun a-t-il une particularité? Parce que je sais qu'il existe les glitches, non glitches ou autre. Je t'avoue que je m'y perds. Alors, au niveau des glitches, il n'y a pas vraiment de glitch dans FF8, si ce n'est passer devant un personnage ou ne pas activer une certaine petite séquence pour gagner quelques microsecondes, mais il n'y a pas de glitch vraiment majeur. Ah. La spécificité de ma run est plutôt, donc comme je l'ai dit auparavant, d'être sans gagner d'expérience en fait au cours des combats avec les personnages principaux. Donc j'exclus Skull et Dea que l'on peut gagner, que l'on contrôle à un moment de l'histoire. Je les exclus et je gagne l'XP nécessaire aux spécificités du 100% avec Cypher et Dea dans les moments du jeu, quoi. Mais sinon, ouais, je ne gagne aucune expérience avec les personnages principaux du jeu. Ça engendre un niveau de difficulté nettement supérieur. Eh ben, pas forcément, parce que finalement, les boss et les ennemis qu'on leur rencontre sont directement influencés par notre niveau à nous. Donc, plus on est haut level, plus le monstre qu'on va affronter va être coriace. Alors que si on n'a pas d'XP, finalement, l'ennemi sera très faible, ou du moins, comparé à nos stats qu'on peut buffer au début de jeu en speedrun, l'ennemi sera vraiment ridicule, quoi. Donc, ouais, ça a été ça la plus grosse partie du routing, ouais. Et tu speedrun depuis longtemps? As-tu commencé par d'autres jeux? Alors, j'ai commencé sur FF8 parce que c'est le jeu, bah, c'est mon jeu de l'amour, hein, on va dire. C'est le jeu que j'ai le plus campé. Et bah, je voyais les speedrunners qui étaient sur la Kinos%, qui est une autre catégorie de FF8, qui s'apparentait au 100% auparavant. Et cette définition de la 100% me titillait trop, et donc je me suis lancé là-dedans, et j'ai, pour moi, atteint le summum de ce qui pourrait être le 100% en speedrun, en tous les cas. Bah, je te remercie tout autant que pour Caminico d'avoir accepté de participer au routing. Et nous allons attaquer avec notre troisième participant qui est issu d'un département magnifique, d'une ville absolument géniale, mondialement connue. Je parlais de NeoSlash. Exactement. Et toi, tu runs sur BOF3, Battlefield, c'est ça? Non, c'est bien. Juste Breath of Fire 3 tout court, FIFA Breath of Fire 3 ou Call of Breath of Fire 3, ça n'existe pas. Juste Breath of Fire 3, c'est très bien. Et donc, tu runs Breath of Fire 3 et c'est un jeu qui était peu runné et tu as été obligé de faire le routing, si j'ai bien essayé. Alors, c'est plus compliqué que ça, il y avait un routing de base, mais ce routing n'était pas optimisé. Et du coup, il a fallu revoir tout le routing pour l'optimiser parce que ça ne me plaisait pas. Et du coup, je suis arrivé, j'avais pas mal d'idées. J'ai pris les idées de base qu'il y avait au départ et j'ai modifié à peu près, allez, 80% de la run. T'as pas fait que refaire refaire la peinture, t'as attaqué les fondations, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. Bah, il y avait pas mal de. On va dire que le gars qui runnait le jeu, il s'était basé sur une route vraiment safe avec. Des stratégies pas vraiment optimisées. Il a terminé la run une seule fois. Donc, du coup, il y avait vraiment du potentiel. Et c'est ce qui m'intéresse quand je fais du speedrun. C'est me mettre sur un jeu qui me plaît et qui a du potentiel au niveau amélioration de routing. Et t'as touché aussi à Suikoden 2, il me semble, au cinéma, non? Oui, bah, j'ai pas mal bossé sur Suikoden 2 aussi, avec Seiya et puis. Au départ, avec Slay, on a refait tout le routing quasiment any%, ainsi que le routing 100%. Bah, je vais pas me prendre la tête et tout, donc on va refaire les mêmes questions. Hein. Tu speedrun depuis longtemps et si t'as speedrunné sur différents jeux? Alors, j'ai dû commencer en août 2014, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé le speedrun. Et du coup, au niveau jeu, j'ai commencé par Breath of Fire 3, qui était. Pardon, par Final Fantasy VII, si je ne dis pas de bêtises, où j'ai mis 3 jours à terminer le jeu avec des pauses. Et c'était mon tout premier Ah oui. speedrun. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait du potentiel sur Breath of Fire 3, donc je suis venu sur Breath of Fire 3. Et après, comme je suis un grand fan de JRPG, je suis toujours resté dans cette optique de rester dans le JRPG. Et donc, du coup, je me suis orienté vers des jeux qui me plaisaient tout autant, c'est-à-dire Suikoden 2. Maintenant, je suis sur FF9. Et sinon, je suis passé par Pokémon Red aussi. Vous avez fait un épisode il n'y a pas très longtemps. Donc, Exactement, oui. Et bah, je t'en remercie aussi bah, d'être dans ce débat. Bien sûr, bah, vous viendrez chercher l'échec à la fin auprès d'Aldra. Et en parlant d'Aldra, et Aldra, toi, niveau routing, c'est. Moi, je dirais pas que j'ai une grosse expérience dans le routing, mais j'en ai fait un petit peu, notamment en fait quand PUXIL était en train de travailler assez intensément sur la run de FF6 Glitchless. Et donc, vu que j'avais pris ses notes de base, et puis qu'il était encore en train de travailler dessus, qu'il y avait certaines choses qui me plaisaient pas, j'ai travaillé sur certaines parties qui ont permis un peu sécuriser la run au niveau de la KF4 Tower. Mais après, bon, malheureusement pour moi, il a tout retravaillé le World of Ruin, donc tout ce mon travail maintenant est totalement invisible. Mais bon. Voilà. Mais c'est stratégique. Enfin, si tout va bien, j'utilise quand même encore parce que je suis encore sur ces vieilles strats parce que ces nouvelles strats sont encore plus dangereuses de mon point de vue encore. Voilà. D'accord. Donc, nous allons attaquer le routing et vu que tout à l'heure Aldra n'a pas voulu donner de définition et s'est défaussé sur moi directement, je vais vous donner mon idée approximatif du routing. Je n'ai même pas été chercher sur internet, je vous assure, c'est vraiment l'idée générale que je m'en fais, donc je vais sûrement commettre une erreur, mais voilà, j'ai 4 personnes pour me corriger. Pour moi, le routing, c'est le fait d'effectuer un parcours dans un jeu vidéo pour optimiser son temps final pour le speedrun. Donc on va simplement optimiser son parcours pour affronter soit le moins d'adversaires, soit avoir un gain d'expérience le plus important possible. Donc on va statuer sur un parcours préférentiel pour finir le jeu le plus rapidement, et aussi dans les paramètres qu'on a décidé au départ, justement qu'on disait les 1%, les 100% et autres. Est-ce à peu près bon, ou ai-je commis beaucoup d'erreurs? Alors pour moi, je serais presque d'accord sur un, je dirais juste sur un seul point où je serais pas d'accord, c'est qu'en fait toi tu dis forcément d'optimiser le temps, je dirais que dans 90% des cas c'est le cas, sauf si t'es dans une run, tu vas faire un marathon dans pas longtemps, donc l'objectif c'est surtout de finir la run, tu vas peut-être travailler sur des strats qui vont plutôt permettre de certes finir le combat moins vite, mais au moins tu passes de 50% de le réussir à 75-80% de pourcent de chance de le réussir, par exemple. Ouais, tu pars sur la phase du marathon. Non, ouais, c'est un speedrun pur. Pas forcément dans le marathon, hein, puisque on voit aussi généralement qu'il y a des strats qui sont beaucoup plus rapides, mais qui sont tellement, tellement random qu'on préfère la safe strat qui va mettre un petit peu plus de temps, mais. Qui passe, quoi. Et classiquement, si imaginons que tu as 3 minutes d'avance sur ton PB, que tu es en bonne voie d'en faire un PB, plutôt que tenter la strat qui va te faire gagner quelques secondes, mais que tu as une chance sur 4 de la réussir, alors que si tu fais l'autre strat où tu es sûr de 100% de la réussir, tu vas peut-être pouvoir être tenté de plutôt faire la strat de sécuritaire, quoi, justement pour assurer ce PV. Je vais essayer d'en revenir au routing en lui-même. Je vais vous demander à tous, je vais choisir quelqu'un au hasard, Camille, quelles ont été les fondations sur lesquelles tu es parti pour créer ton routing? Quels sont pour toi les éléments de base qui peuvent être utilisés pour tout routing? Je sais que je fais une question un peu précise, mais... Non, mais c'est sympa comme question. Alors déjà, ouais, moi, il faut savoir que je vais pas pouvoir m'appuyer sur le randomizer. On reviendra peut-être dessus un petit peu plus tard. Mais le routing, c'est vrai que... Après, je pense que ça dépend aussi du jeu auquel on est en train de jouer. C'est-à-dire que pour avoir été speedrunner à la fois de jeux de plateforme et de RPG, on appréhende la chose de manière complètement différente. Sur un speedrun de jeu d'exé, souvent des jeux de plateforme, on va dire, là je prends l'exemple de Donkey Kong Country, si c'est un jeu qui est très runné, c'est déjà difficile de trouver quelque chose, sachant que sur du jeu de plateforme, le but ça va être d'aller du point A au point B le plus rapidement possible, et souvent sans se faire toucher, ou en prenant ce qu'on appelle des damage boosts, des dégâts qui vont nous permettre de gagner un petit peu de temps. Donc à ce moment-là, le routing va être assez clair, dans le sens où... on va du A au B, on cherche le chemin le plus court entre les deux. Des petits tricks, des glitches s'il y en a qui existent au sein du jeu, mais voilà. Ensuite, lorsqu'on va arriver sur un speedrun de RPG, à ce moment-là, il va y avoir une notion beaucoup plus stratégique et mathématique qui va rentrer en jeu, que ce soit pour FF8, BOF3, FF10. Il y a souvent ce qu'on appelle du leveling, donc bien sûr, ça change un petit peu pour le no level de Kai, mais en général, on va devoir s'attarder sur plusieurs choses. Premièrement, les sorts que l'on va vouloir débloquer, les sorts aux différentes aptitudes, savoir comment les débloquer, par où passer pour les débloquer. Donc on va vraiment devoir avoir une connaissance très globale et assez complète du jeu pour savoir tous les moindres objets qu'on va pouvoir ramasser à gauche et à droite qui vont nous aider, les combats qui rapportent beaucoup d'expérience et qui sont faciles à faire. Néo en parlera plus tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a aussi une notion de popularité du jeu. C'est-à-dire que sur BOF3, comme il l'a dit quand il a commencé, il y avait quasiment personne qui faisait le jeu. Du coup, il a dû partir de zéro pour faire un routing. Moi, si je prends l'exemple de Final Fantasy X, le premier run de FF10 que j'ai effectué, donc la première catégorie sur laquelle j'ai joué, c'est le Nomix. Donc c'est une run qui consiste à ne pas utiliser une capacité spéciale du jeu qui permet de faire beaucoup de dégâts en fin de partie. Du coup, il y avait un runner FR qui s'appelle Sweet Seven, qui avait fait une très grosse partie du routing déjà, et c'est toujours lui qui a le WR sur cette catégorie. Mais il avait ciblé, par exemple, la compétence Quick Hit, qui est une compétence qui permet de faire des dégâts physiques très importants dans le jeu et d'attaquer très rapidement. Donc voilà, il avait déjà ciblé le point fort de son équipe. Il savait que pour finir le jeu facilement, il devait aller chercher Quick Hit et une autre compétence qui s'appelle Double Cast. Donc le routing, pour moi, c'est vraiment ça. C'est cibler, avant même de commencer sa partie, les points importants du run, savoir quelles compétences on va aller chercher, par où on va passer, savoir comment tout ça va se dérouler. Et pour ce qui est du RPG, donc là, ça va être un point de vue un petit peu plus personnel. Pour moi, je trouve très intéressant le routing dans le RPG. Je trouve que ça donne une certaine légitimité. C'est-à-dire que je ne prends pas de plaisir à runner un RPG si je ne fais que suivre les notes. Certes, ça demande de l'exé, ça demande beaucoup d'entraînement et d'optimisation, mais j'ai l'impression de copier ce que quelqu'un a déjà fait, alors que dans un run de jeu d'exé, de jeu de plateforme, chaque run est différent puisque chacun a une exé qui lui est propre. Dans un RPG, j'ai vraiment l'impression qu'en faisant un routine qui m'est propre, là, je vais prendre plus de plaisir. Donc, je sais pas si pour mes camarades, c'est la même chose. Je suis complètement d'accord. C'est ouf. Donc, ah, voilà, tu ne pouvais mieux le dire. Donc, voilà, maintenant, je vais laisser la parole aux autres, mais mon point de vue sur le routine est celui-ci. Justement, ça me fait poser une question. Néo, Kevel, là, ça sera au plus rapide. Non, mais lorsqu'on crée une routine, est-ce qu'on recherche forcément à optimiser ses points forts? Ou va-t-on penser que, comment dire, forcément cette routine doit s'appliquer pour le plus grand nombre? Vous, à titre personnel, est-ce que... Moi, dans la globalité de ce que j'ai créé en termes de routing sur papier, de vraiment d'écriture à suivre, j'ai fait en sorte que ce soit lisible et compréhensible pour le plus noob qui arrive dessus et qui se dit « Tiens, j'ai envie de le faire ». Et ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui viennent et qui me disent « Tiens, j'ai envie de me lancer dedans et pourquoi pas, quoi ». Bon, après, j'ai jamais vu aboutir le truc parce que la catégorie est vraiment « Waouh ». En termes de facilité de prise en main, ouais, j'ai fait en sorte que ça soit facile à lire et à comprendre. D'accord. Et Néo pour... Et moi, pour ma part, en fait, dans Breath of Fire 3, il y a un truc qu'on sert dans le multisegment. Le multisegment, c'est une autre catégorie qui consiste à sauvegarder, chercher la meilleure partie possible, et puis sauvegarder, faire des bouts, en fait, le jeu bout à bout, jusqu'à temps avoir la run parfaite, entre guillemets. Et du coup, ils se servent d'un skill qui s'appelle le super combo, en faisant une accumulation de touches au hasard. Par exemple, ils nous disent croix, enfin, puis sur croix, rond, triangle, et ainsi de suite. Vous avez moyen de faire de très, très gros dégâts. Par contre, le problème, c'est que il faut être bon là-dedans. Et donc, du coup, quand j'ai écrit mon routing, je me suis dit, bon, je suis mauvais sur le super combo. Donc du coup, il ne faut pas que je me base là-dessus. Mais il y en a, malgré moi, j'ai dû en rajouter quand même si j'étais pas spécialement heureux de rajouter ça, parce que c'est vraiment le moment que je déteste le plus dans le jeu, le super combo. Parce que si vous tombez, par exemple, il y a écrit triangle, vous appuyez sur triangle, après vous faites rond, alors qu'il y a écrit croix, vous faites qu'un seul hit, et du coup, bah, c'est quasiment game over, en fait. Mais d'un côté, comme on utilise, par exemple, une épée de feu, l'ennemi est sensible au feu, et donc du coup avec le super combo, les dégâts sont multipliés. Et donc du coup, il a fallu que je réécrive le routing de façon à utiliser deux super combos supplémentaires par rapport à la route précédente. Et donc du coup, je suis pas vraiment à mon avantage, en fait, par rapport à la question que tu posais. D'accord. Et bon, voilà, c'est malheureusement, on est obligé de faire certaines concessions dans le speedrun. Pas forcément penser à soi-même, mais penser aussi à la manière la plus rapide de terminer le jeu. C'est absolument pas optimisé pour le fun, quoi. Il y a une finalité, c'est d'aller au bout le plus rapidement. Après ça dépend des runners, ça dépend des runs, ça dépend ce qu'on recherche, en fait, dans le speedrun. Parce que si on cherche la meilleure run possible, faire le meilleur temps possible, au bout d'un moment, on peut plus se contenter de strats safe, comme on dit, c'est-à-dire les strats les plus faciles, les strats qui ont le plus de chances de finir le jeu. Il faut prendre des risques. Des fois, ça inclut une certaine exécution de prendre des risques. Ou une certaine dépendance à la RNG. Voilà. Mais pas forcément à notre avantage. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Néo. C'est vrai qu'après, selon le but qu'on va rechercher, selon le nombre de... Enfin, selon aussi l'aboutissement de la run, c'est-à-dire que, bah, forcément, plus une run va avoir un bon temps, plus il va falloir prendre des risques pour battre ce temps. Donc forcément, bah, en fonction de nos objectifs, les runs vont être plus ou moins difficiles et plus ou moins optimisés selon si on veut un run safe, donc qui va souvent au bout, ou si on veut un temps proche, entre guillemets, de la perfection. Sachant qu'en speedrun de RPG, on est bien placé pour savoir que malheureusement, la perfection n'existe pas. Non. Peu importe le nombre de retries. Même si des fois, elle a l'air de partir en run parfaite. Non, c'est qu'une illusion. C'est qu'il faut se dire, c'est le jeu, ta patte. Là, tu dis, viens, on est bien. Et non, en fait, non. leur tour de bâton, ils finissent toujours par arriver. Ah là là. Bon, après, c'est vrai que si on part sur un débat concernant le RNG, donc tout ce qui est aléatoire dans les jeux, on va peut-être en discuter une bonne partie de la nuit aussi. Oui, ouais, non mais sur le RNG, on a prévu normalement un débat de 72 heures. Non, mais on a prévu des relais entre les runners justement pour pouvoir tenir la chose. À boire et à manger. Pardon ? À boire et à manger aussi. Ah non, non mais... C'est la base. Même, il y aura qu'un seul animateur, parce que de temps en temps, Safecore, il faut qu'il dorme, qu'il mange, moi aussi, voilà, tout ce genre de choses. Donc, on a tout mis ça en place, ça arrivera à ton volume. Mais pour en revenir, j'aimerais savoir comment vous y êtes pris pour commencer à établir votre plan de routing. Question supplémentaire, est-ce que vous avez été obligé chacun de faire le jeu en casual plusieurs fois pour... essayer de trouver les variantes. Merci. Alors, je dirais en casual, pas vraiment, puisque comme je l'ai dit auparavant, je l'ai fait un million de fois le jeu, donc je le connais dans ses entrailles, quoi. Et même le fait d'avoir speedrunné m'a fait découvrir quelques petits aspects dont j'ignorais l'existence et que ça fait vachement plaisir. Mais en dehors de ça... Merde, j'ai oublié la question. Tu peux me la refaire ? Oui, il n'y a pas le moindre problème. Attends, je note sur le menu parce que c'est un coup en moins pour le cachet final quand même. Mais non, la question c'était quel a été le plan de base pour ton... Ah oui, le plan de base. Alors donc, prêtement, j'ai commencé à faire l'Eni% en tout premier lieu, puisque c'est de la 100% que j'ai routé. J'ai commencé à faire l'Eni% et déjà de base, l'Eni% ne me plaisait pas en termes de stratégie. Donc il a fallu que je rebuild depuis le tout début. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un émulateur d'effet fuite qui s'appelle PSX Gin, qui émule la console PlayStation 1. Et à partir de là, j'ai pu extraire plein de données qui sont dans ce qu'on appelle la RAM map et qui m'ont permis en fait de savoir quel moment j'aurai des combats plus tard dans le jeu, puisqu'il y a un step counter dans FF8 qui nous permet de savoir à quel moment on a tel combat, etc. etc. Et le premier truc sur lequel je butais, puisque ce que je voulais moi, c'est qu'il y ait à la fin de l'examen de Delette, on reçoit un diplôme qui nous donne un score. Et sur le entre guillemets 100% de Kinos qu'il avait fait auparavant, c'était pas du tout, on voyait pas des beaux scores 100%. Du coup, je me disais, mais 100%, mais c'est pas 100% ça. Donc, du coup, moi, ce que je voulais, c'était arriver au 100% de l'examen CID. C'était ça mon objectif de base. Et pour en arriver là, il a fallu que je manipule le step counter et que j'en apprenne comment il fonctionne, quels étaient les secrets du step counter d'effet fuite. Et grâce à ça, j'ai compris comment le jeu a été codé finalement. Et c'est là que la consécration du speedrunner, je trouve, se fait. C'est parce que du coup, tu comprends comment le jeu évolue. Tout se fait magiquement parce que tu sais tout ce qui va se passer, quoi. D'accord. Tu parles du step counter, c'est quoi ce que... C'est quoi exactement? Alors oui, alors comment l'expliquer? Le step counter, c'est quand tu avances dans le jeu, en fait, il y a ce qu'on appelle la danger value. Ah, ça va être compliqué si je parle dans le détail de ça. Hein. Il va y avoir la danger value, la step ID et la danger limit. Chaque step ID, donc c'est sur 256 bits, 256 octets, on va dire. Donc un step ID, pour qu'il fasse un tour, il part de 0 jusqu'à 255 et quand il se réincrémente de 1, il repasse à 0, mais à son second tour. Donc chaque numéro de step ID a une danger limit qui lui est propre Et à chaque tour, cette danger limit augmente de 13, chose qu'on ne savait pas avant que je fourre mon nez dans FF8, que j'ai pu donc grappiller avec la RAM map, que j'ai pu analyser en termes de données, etc., de ce qui se passait concrètement dans le jeu, quoi. À chaque fois que tu avances, il y a la danger value qui augmente. Et du coup, la step ID s'incrémente de 1. Et chaque danger value a une danger limit. Si la danger value va plus haut que la danger limit sur laquelle tu es au moment où tu passes la step ID, il y a un combat qui s'enclenche. Du coup, à partir d'un hard reset, donc le new game, vraiment, tu démarres ta console, nouveau jeu. Tu n'as pas chargé d'autres parties avant ou quoi que ce soit. Tu démarres ta console, nouveau jeu. Le step counter est toujours le même. Toujours, toujours, toujours. D'accord. En fin de compte, ce que tu as réussi à comprendre, c'est la RNG du jeu, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Ouais, c'était... Ouais, c'est la consécration ultime. Tu as réussi à comprendre cette RNG, ce qui t'a facilité derrière le routine. Oui, c'est... Ouais. Parce que sans ça, j'y serais jamais arrivé. Bah, si je peux me permettre pour faire un petit condensé, c'est vrai que... Est-ce que, Kevel, sur FF8, ça fonctionne un petit peu comme sur FF7, le step counter? Ouais, c'est ce que j'ai compris apparemment de certains autres runners qui me disaient que le step counter fonctionnait sensiblement pareil. J'ai pas runné FF7, j'ai pas mis mon nez dedans, ouais. Je pourrais pas dire. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, c'est sensiblement pareil. Quand tu avances, il y a un step ID qui augmente et t'as danger value avec. Parce que pour moi, d'un œil extérieur, en simplifié, on va dire, ce qu'on voit, c'est que en gros, en marchant au lieu de courir et en ayant des déplacements très précis à certains endroits, ça permet au runner d'éviter des combats. C'est surtout comme ça qu'on le ressent en tant que spectateur. T'as la course et la marche. Quand tu augmentes ta danger value en fonction de l'action que tu étais en train de faire quand tu t'es déplacé, soit marcher, soit courir, la danger value n'évolue pas pareil. Quand tu marches, elle monte de 2 et quand tu cours, elle monte de 5. Et du coup, à certains moments, ta danger limit, on va dire, elle est à 69. Si tu as marché 5 pas, ça te l'a fait augmenter que de 2 et de 4 au lieu de 5 et 10. Du coup, tu es beaucoup moins sujet à prendre ce combat qui était à 69 au niveau de la limite. Et comme ça, tu repousses les combats plus loin. Non, je vois à peu près la forme et cette manipulation des RNG qui, ensuite, par rapport au jeu, au découlement du jeu, tu peux savoir quels vont être les déplacements qui vont optimiser l'absence de combat. C'est exactement ça. Je pense que dans FF7, c'est même encore plus fort puisque le step counter, s'il est respecté tout au long de la partie, permet même de prévoir quel ennemi tu vas rencontrer à quel moment et dans quelles conditions. C'est-à-dire que tu sais que le prochain ennemi sera celui-ci et qu'il va arriver en back attack. Ou alors que tu auras une préemptive, c'est-à-dire une attaque prioritaire. Okay. Ça permet de maîtriser énormément de choses. Parce que moi, ok, je connais les ennemis, le nombre, etc., à quelle fréquence ils vont arriver, mais je connais pas leur level, je connais pas si on va avoir une préventive, des choses comme ça je sais pas. Mais on sait les ennemis et dans combien de pas ils arrivent. Je vais essayer un petit peu de simplifier. Au final, vous êtes obligé de rentrer dans le code du jeu. Je vais demander à Néo, est-ce que pour toi c'est aussi le cas? Vous êtes obligé de rentrer dans le code du jeu pour comprendre sa mécanique de RNG, d'apparition de mobs, pour ensuite optimiser vos déplacements pour en finalité réussir votre speedrun dans un temps le meilleur, quoi. Alors non, parce que dans Breath of Fire 3, c'est totalement différent des Final Fantasy. On va dire c'est quand même un petit peu plus simple, parce que grosso modo, il suffit de longer un mur en formation défense. Formation défense, les trois persos sont alignés, et si on contrôle le perso qui est au milieu, on aura forcément un perso à notre gauche et à notre droite. Et le jeu ne peut pas nous donner de combat si le perso est dans un mur. Donc, en ayant un perso à notre gauche et à notre droite, on ne peut pas avoir de combat en longeant les murs. Par contre, rendu aux intersections ou autres, on peut avoir un combat. Ce qui a été le plus compliqué, ça a été de déterminer comment ça fonctionnait en dehors de longer des murs. Parce qu'on ne peut pas tout le temps longer non plus des murs. Et donc, du coup, on s'est aperçu que courant, donc c'est-à-dire avec la trajectoire la plus optimisée possible sur un certain nombre de pas, moi je le compte en secondes parce que j'arrive pas à compter les pas des personnages, on arrivait à une danger limit comme parlait Kevel. Ensuite, cette danger limit là, ça veut dire que vous risquez de prendre une encounter, Mais par contre, si un petit peu avant cette danger limit là, vous commencez à marcher, et bah du coup en fait les pas sont divisés par 4. Et donc du coup ça vous permet de parcourir une distance plus grande et donc de diminuer le nombre de random encounters. Et c'est réinitialisé à chaque donjon. C'est-à-dire que si D'accord. vous sortez par exemple du donjon, normalement si vous faites que courir, vous avez 4 encounters. En courant et en marchant juste avant l'encounter, on peut en avoir que 3. Parce que le combat se retrouve en dehors de la zone de combat. Donc voilà un petit peu les bases du step counter pour Breath of Fire 3. C'est quand même beaucoup plus simple et on n'a pas eu besoin de rentrer dans le roadmap juste en faisant des tests pour Breath of Fire 3. Ouais, on va dire c'est un petit peu, entre guillemets, hein, je dis rien de mal sur les différentes méthodes, mais c'est un petit peu à l'ancienne, c'est en jouant que tu arrives, qu'on dire que l'optimisation sur Breath of Fire 3 c'est fait, quoi. Ouais, voilà, c'est sauvegarde sur EMU, et puis on fait des tests, on recommence, on fait des tests, on recommence, on fait des tests, on recommence. Bon, bah ça marche pas, je sais pas pourquoi ça marche pas. Je recommence, j'essaie avec d'autres personnages, etc., jusqu'à temps qu'on comprenne Microphone muted. comment ça fonctionne. Je vais donner un Microphone exemple activated. encore plus flagrant. Du coup, à un moment dans le jeu, vu qu'on nous change notre équipe, on met un perso qui a une plus grosse hitbox. Donc, hitbox, c'est une zone en fait autour de lui, plus ou moins large suivant le personnage. Et donc, en fait, ce personnage était placé en numéro 1 par l'ordinateur à un moment précis dans le jeu. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas d'encounter dans le donjon suivant, alors que normalement, on est censé en prendre parce qu'on quitte des murs, etc. Et normalement, on est censé prendre des encounters, on passe à des intersections. C'est pas logique. Et du coup, en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'ils avaient mis un personnage avec une grosse hitbox en numéro 1. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, mais si c'est ça, c'est trop fort. Du coup, je pourrais skipper énormément de combats dans le jeu si je fais ça pendant tout le jeu. Et du coup, c'est ce qui m'a permis encore d'améliorer le step counter de base, juste en longeant les murs en formation défense, en mettant quelqu'un qui a une grosse hitbox en numéro 1. Mais ça, après, c'est, comme je disais, c'est de la déduction et c'est aussi beaucoup de training sur émulateur. D'accord, ouais, c'est la Donc, à répétition. l'ancienne, sans rien, c'est juste en testant par soi-même. Et pour toi, Caminico, tu disais, ouais, c'était à peu près comme Kevel où tu as été obligé d'aller dans. C'est le Rampa que vous appelez ça ou. Ah non, moi, pas du tout. Non, non, moi, Non? j'essayais juste de voir si ce que disait Kevel correspondait un petit peu à FF8 et à FF7, pardon, et de donner ça avec des mots un petit peu plus simplifiés en tant que joueur, simplement, puisque moi, j'ai pas du tout eu cette démarche-là. D'accord. Moi, dans FF10, il me semble pas qu'actuellement il y ait de step counter, ou du moins, pour le moment, il a pas été découvert s'il y en a un. Disons que les combats sont moins punitifs que dans FF8, je sais pas, parce que les combats sont assez faciles à fuir, mais c'est une question de temps. Dans Breath of Fire, je sais que les combats sont difficiles à fuir, donc le fait de pouvoir les manipuler est important. Dans FF10, d'une manière générale, on fuit les combats plutôt facilement. Moi, je suis jamais rentré dans tout ce qui est code du jeu, etc. Je ne m'amuse pas à faire ça. Et donc, toi, bah justement, ton optimisation, tu l'as. Comment est-ce que tu as travaillé ton routing? Alors moi, c'est un petit peu différent. Donc, si on parle de FF10 en Omix, donc la catégorie dont je parlais tout à l'heure, je me suis principalement basé, comme je le disais, sur le routing de Sweet Seven, qui a fait un très bon routing sur la catégorie, très intéressant à runner. J'ai essayé d'apporter quelques optimisations à ce routing-là, comme je le disais, toujours dans un souci de me sentir légitime en tant que runner sur le jeu. Donc j'ai essayé d'apporter mes quelques modifications pour me dire, ok, certes, je me base sur la route de quelqu'un, mais au moins j'ai apporté mes changements à moi, c'est mon run, il est un petit peu différent de celui des autres. Donc ça me motivait plus à le runner. Maintenant, si on part sur le randomizer, c'est quelque chose de complètement différent, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, la définition même du randomizer, c'est qu'à chaque fois qu'on lance un run, le sphérié, le système d'évolution est différent. C'est-à-dire qu'avant de lancer la partie, il est impossible d'effectuer un routing puisque on ne sait pas où vont se trouver les capacités intéressantes. Ça se trouve, on peut commencer avec les capacités les plus puissantes du jeu dès les premiers niveaux, comme elles peuvent se trouver encore plus loin qu'elles le sont normalement. Donc moi, ma spécificité, on va dire, c'est que mon routing, je le crée durant chacune de mes runs. Je route en direct et c'est ce qui, je trouve, fait l'intérêt de cette catégorie randomizer. C'est-à-dire que les gens qui viennent suivre mes streams me voient établir un routing. Ils me voient me torturer l'esprit durant chaque scène cinématique, en train d'écrire sur des petits papiers. Alors il serait bien que j'envoie tel personnage à tel endroit, que ce personnage-là gagne tant de niveaux à tel moment pour pour avoir cette compétence qui est utile sur tel boss. Et ça, chaque nouveau run, je dois créer un nouveau routing. Donc c'est un peu différent, il n'y a pas de prévision, c'est une certaine connaissance du jeu pour savoir quelles compétences vont être intéressantes à quel moment. Essayer de router en direct, quoi. Essayer de réfléchir pendant qu'on est en train de jouer et de créer une route pendant qu'on est en train de jouer. C'est ce que je trouve vraiment très intéressant dans le randomizer. Je vais essayer de simplifier un peu. À m'en voulez pas, pour le commun des mortels, on va dire. En fin de compte, donc, je résume. Pour Kevel, ça serait un petit peu un routing tech. Pour Neo, un smart routing. C'était, ouais, vraiment par déduction trouvée et optimisée. Et en fin de compte, pour toi, Kemeniko, c'est un hard routine parce que ça, t'as, comment dire, un changement. À chaque fois, tu sais pas sur, comment dire, comment va démarrer le jeu. En fin de compte, on a trois visions totalement différentes et, waouh! Non, c'est excellent. Moi, personnellement, en fait, je sais pas comment ça va démarrer et je sais pas non plus comment ça va finir parce que la difficulté de Final Fantasy X, c'est le boss final. C'est-à-dire qu'au bout de 13 heures de run, il m'arrive de me dire « Bon, bah stop, j'arrête là. » Puisque pour obtenir les compétences intéressantes, il faudrait que je farme encore pendant 2-3 heures. Donc, je suis obligé de m'arrêter ici parce que je suis bloqué au boss final qui est vraiment très fort. Non, là c'est parfait. Mais par contre, j'en vois un qui est un petit peu planqué, mais qui va devoir aussi s'exprimer un peu. Mon cher Aldra, le routine pour toi, comment es-tu optimisé pour FF6? Ah, mais pourquoi je t'ai dit... Tout à l'heure, j'ai quasiment pas fait de routing, moi, donc. Non, c'est ça. J'ai juste bougé 2-3 combats, puis d'un côté, c'est tout. Donc, Mais est-ce que t'as fait des modifications par rapport au routing que tu utilisais ou non, absolument pas? Si, j'ai fait des modifications par rapport à ce que je faisais au tout début, que j'ai modifié par la suite. J'ai juste des stratégies de boss, quoi, donc c'est limite plus à utiliser telle capacité plutôt que celle-là sur des combats, c'est pas dû aller à tel endroit pour faire récupérer tel objet ou farmer à cet endroit-là, ou aller choper telle ou telle capacité. Donc c'est quand même beaucoup plus simplifié par rapport à ce que font nos acolytes, en fait. Ah si, moi j'ai oublié juste de préciser une chose, en fait, qui a une petite importance, c'est que j'ai routé une catégorie complète sur FF10 que personne ne faisait. Ah oui, donc la Nosferide. Ouais, exactement, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler puisque j'ai fait deux runs dessus. C'est un run assez récent, mais en fait c'est un run dans Final Fantasy X, un petit peu comme Kevel, c'est-à-dire qu'on ne passe aucun niveau avec ces personnages. On doit tout faire avec les compétences de base de chaque personnage de son équipe. On ne récupère aucune compétence, aucune magie supplémentaire, on ne gagne pas de vie durant le run. On peut simplement utiliser les overdrive, donc les attaques ultimes entre guillemets de nos personnages, les quelques invocations que l'on récupère et tous les objets qu'on va pouvoir trouver sur la route. Voilà, donc ça, oui, c'est vrai que j'ai fait un routing là-dessus qui m'a demandé pas mal de temps. Et qui était assez compliqué puisque contrairement à FF8, en fait les statistiques des boss et des adversaires qu'on affronte sont fixes, c'est-à-dire que on va arriver devant le boss final du jeu avec des persos qui ont 500 points de vie pour un boss qui donne une attaque de zone à 3000 points de vie. Voilà, donc oui, c'est vrai que j'ai oublié. Et tu arrives à survivre à ça. Voilà, bah oui, bah le but justement c'est de ne pas encaisser cette attaque ou de faire en sorte que ce soit une invocation qui l'encaisse à la place de nos personnages. Donc oui, ça m'a demandé pas mal de travail au niveau du routing puisque là on rentrait encore plus dans le cœur du jeu dans le sens où je devais quasiment connaître le contenu de tous les coffres, savoir ce que vendaient tous les marchands que j'avais sur ma route jusqu'à la fin du jeu. Donc là, c'est encore une approche différente. Là, ouais, c'est une approche ouais, totalement différente de ce que tu disais auparavant. Ouais, c'est totalement une autre approche. Et moi, je rajoute juste un petit truc pour en revenir à ce que disait Camille. C'est vrai que quand on fait un routing, il faut connaître le jeu vraiment sur le bout de ses doigts, connaître tel objet qu'il y a dans tel coffre. Et ça m'arrive très souvent, je sais pas si pour les gars c'est pareil, de refouiller le jeu de fond en comble. Des fois qu'on pourrait retrouver un item totalement intéressant qui pourrait nous faire gagner, je sais pas, je vais dire par exemple, ça nous prendra peut-être 3 secondes à chercher, donc on perdra 3 secondes, mais ça fait gagner 20 secondes. Ouais, tu parlais d'un item, je sais plus quand, qui voilà, faisait gagner. Je pensais surtout à un ginseng, donc qui permet de booster ma force de 20%. Donc sur certains fights, ça me serait particulièrement utile. Mais du coup, j'ai refait tout le jeu en entier. J'ai fouillé derrière tous les brins d'herbe, tous les cailloux, dans tous les placards, entré dans toutes les maisons. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Mais c'est aussi ça le travail de routing. C'est fouiller le jeu de A à Z, ouvrir tous les coffres, tous les placards, soulever toutes les pierres, fouiller dans tous les tas d'herbes pour trouver peut-être un item qui nous fera peut-être gagner 20 secondes et que ça prend 3 secondes à ramasser. C'est ça, parce que c'est vrai que on pourrait se dire bah oui, mais c'est vrai qu'il y a des guides qui sont pas mal pour ça sur internet ou les guides officiels des jeux et tout, mais c'est vraiment pas dédié au speedrun en fait. C'est-à-dire que dans un guide, les objets qui sont passés à la trappe, certains parce qu'ils paraissent pas importants, c'est vrai que quand on fait le jeu en casu, bah trouver une potion en plus qui nous donne 500 points de vie, bon, on n'est pas à ça près, il suffit de l'acheter au marchand suivant. Mais en speedrun, soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas l'argent, soit notre argent nous sert à autre chose. Soit bah, c'est un détail qui va nous permettre d'apprendre une compétence, etc. Donc oui, je suis d'accord avec Néo. Quand on fait du routing, on est obligé de tout fouiller et de savoir où se trouvent tous les objets dont on a besoin. Et en plus, faut savoir que sur les guides, souvent ils disent plutôt, ouais, dans telle zone, t'as tout ça. Puis après, sauf que toi, vu que t'es speedrunner, tu vas prendre la route la plus courte entre les deux. Et donc, tu vas peut-être pas faire le gros détour qu'il faudrait faire pour C'est avoir ça. l'objet de serre qui est pété. Mais bon, c'est le détour, on vaut pas le coup finalement, quoi. Bah après, un guide est fait pour finir un jeu facilement, pas optimiser son temps. Et d'ailleurs, il est là pour te guider et ne pas trop en baver pour essayer à finir le jeu, quitte à mettre ouais, 1 heure ou 2 de plus. C'est vrai que par rapport à ce qu'on peut comprendre sur un routing, c'est clair que ouais, y a pas. Parce que faut bien entendre qu'un routing n'est pas simplement le fait de finir le jeu, mais il faut une maîtrise parfaite du jeu. C'est pas faciliter le jeu, justement. Parfois, vous allez vous créer des contraintes supplémentaires qu'un joueur lambda aura beaucoup de mal à passer. Après, les guides peuvent quand même être utiles rien que pour voir les stats des boss. De temps en temps, tu vois quand même les patterns classiques qu'il y a dedans, la signification un peu plus précise de certaines capacités ou objets qui peuvent être utiles, quoi. Les Oui, c'est vrai faiblesses que. et les drops aussi sur les boss qui peuvent être C'est intéressants ça. aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que quand on dit soulever tous les coffres, etc., en fait, c'est connaître quasi l'intégralité du jeu, savoir que tel boss est faible à tel élément, qu'il nous drop tel objet, qu'il y a une chance qu'il nous drop celui-là, blablabla, blablabla. C'est connaître tout ce qu'il y a sur notre route, en fait. Parce que de base, je pense qu'on a tous plus ou moins en tête une route optimisée dans les RPG. C'est-à-dire que bah, la route optimisée, c'est celle où on suit directement l'histoire. Mais il faut voir si en s'éloignant pas trop de cette route, il y aurait des choses faisables. Et sur cette route, qu'est-ce qui est à notre avantage? Donc ouais, c'est savoir perdre du temps pour en gagner derrière en fait. Non, je vois Donc tout à si fait. on en perd, si on en perd moins qu'on en gagne, c'est tout bénef. Et c'est ce qu'on recherche. Bah, c'est le but, comment dire, ouais, c'est le but ultime du routing, de rien, d'utiliser tout ce qui nous est offert durant le jeu pour optimiser notre progression, quoi. Niveau Ouais, temps, comme tu disais, bah, niveau par exemple, équipement. on a une route de base et on se dit, tiens, si je prends cette épée-là, du coup, ça me fait faire un détour d'une minute. Est-ce que cette minute-là, je vais la regagner? Je pense notamment à la Tantarian Strat qui est arrivée il n'y a pas très longtemps sur FF9. C'est un boss optionnel qu'on ne battait pas qui nous permet de récupérer des running shoes, donc qui nous permet d'avoir hâte. Et donc on perd 4 minutes à faire ce boss, mais on en gagne au moins 6, donc il y a au moins 2 minutes de bénéf. Mais On peut certainement. réagir comme ça en fait en speedrun quand on fait un routing, c'est bon, si je perds du temps ici, est-ce que je le regagne? Et si je le regagne, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que je fais du bénéfice, on va dire entre guillemets, est-ce que je gagne réellement du temps à aller le chercher ce système-là? Si oui, tant mieux, sinon tant pis. Donc c'est aussi ça le routing, c'est que des fois il y a énormément de coups dans l'eau aussi. Hein. Mais pour comment dire, pour FF8, Kerbel, ça a été à peu près la même chose aussi, ou tu t'es vraiment focalisé sur le rampack, excuse-moi si je rate sur le terme. C'est le RAM map et RAM. la carte de la RAM, sinon, si tu Ouais, préfères, c'est ça. softcore. Tout à fait. Bah, disons que j'ai vraiment tout fait, tout entrepris pour réussir à tout faire proprement. Parce que j'ai vraiment battu. Battu, non. J'ai du mal à m'exprimer, ma foi. Non, t'inquiète, hein, sinon on peut couper ou non, on coupera pas au Attends, montage. attends, attends. Je vais y arriver. Non. Bah, prends ton Non, temps, mais y'a pas non, de il nous Ah, faut de la bâti, matière. ouais, voilà, j'ai bâti, pas bâti, j'ai bâti pierre par pierre tout le routing finalement, ça a été presque un an de routing juste pour arriver à cette catégorie-là. Et je suis sûr qu'il y a encore des optimisations à faire dessus. Il y a tellement d'aspects différents sur le routing. J'ai énormément de maths, de plein de fichiers, d'Excel, des tableurs, plein de choses qui me permettent de tout calculer. Et c'est assez phénoménal. De toute façon, plus on est, plus ça rend le routing facile. Parce qu'il y a des trucs forcément, on ne peut pas penser à tout. Et quelqu'un arrive, même quelqu'un juste qui fait le jeu en casu, moi ça m'est déjà arrivé, un de mes viewers qui me dit « bah tu prends pas cet item-là ». Et du coup, non, je savais pas. Et du coup, ça obligeait à revoir tout le routing pour un item. Et du coup, des fois c'est rentable, des fois c'est pas rentable. Des fois on découvre encore des trucs parce qu'un speedrunner, ça ne connaît pas... Ça connaît très bien le jeu, mais ça ne connaît pas tout. Et des fois, même quelqu'un lambda qui arrive, qui avait sa connaissance sur le jeu, soit qui veut speedrun, soit juste à offrir ses conseils en disant « Tiens, moi, est-ce que cette technique-là, ça irait pas plus vite, etc. » Et du coup, toutes les idées sont bonnes à prendre. Parce que comme on disait, sur les Final Fantasy, il y a plus de monde qui route le jeu. Enfin, qui route le jeu, qui font le jeu, donc qui ont une meilleure connaissance du jeu. Donc à plusieurs, c'est plus facile de réfléchir. Par contre, quand tu fais le routing tout seul, on peut passer à côté de pas mal de choses. Et du coup, ça veut dire qu'il y a encore des optimisations possibles. Ça revient un peu aussi à dire un peu ce qu'on... Je crois que c'est avec toi, Néo, qu'on en avait parlé, d'ailleurs. C'est que même quand tu vois des casuals ou que le speedrunner tout débutant qui vient de proposer quelque chose, c'est pas parce qu'il a un mauvais temps ou que c'est pas un speedrunner qu'en fait, que ses idées ne sont pas du tout adaptables au speedrunner. Carrément. Ah, mais complètement. Non, mais c'est vrai que en tant que speedrunner aussi, des fois, on s'enferme un petit peu dans notre route parce qu'on a envie d'optimiser notre temps, donc on recommence, on fait la route, on refait des runs, etc. Et des fois, c'est difficile de sortir de ça pour faire du routing, justement. Et le fait de faire le jeu en speedrun et de le faire en casu, ou même en casu 100%, des fois, on découvre des choses, on se dit « Mais c'est vrai qu'en run, j'ai jamais utilisé cet objet, mais en fait, il est très intéressant. » Et on le découvre par hasard. Et comme le dit Néo, ouais, c'est vrai que une personne qui passe juste donner un conseil anodin, ça peut vraiment aider. Et router tout seul, c'est jamais évident. J'ai tout fait tout seul. C'était vraiment éprouvant, en fait. Pour le Nomix, moi, c'était pareil. Le Nosphere Grid, pardon, c'était la même chose. Et c'est vrai que c'est long. Il y a des passages du jeu qui sont compliqués, forcément, où on a plus de difficultés que d'autres. Donc... des fois, c'est pas motivant parce que on passe 2 heures sur un combat, on n'arrive pas à le passer et on se rend compte, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner chercher un objet 3 heures en arrière. Donc on cherche la sauvegarde 3 heures en arrière et puis en fait, le fait d'acheter cet objet, ça modifie aussi ce que t'as fait durant les 3 heures suivantes. Et c'est beaucoup de retours en arrière pour avoir un routing propre et qui permette de faire quelque chose. Je crois que le pire que j'ai fait, c'était Myth CD3, juste avant l'espace, pendant les Star Menu, si tu vois ce que je veux dire. Et faut revenir à Diablos. D'accord. Ouais, juste un petit retour en arrière d'environ 2 minutes. Mais oui, 2 petites minutes. Non, juste 11 heures. Allez, 11 heures, que ça en est, toi? Ouais, en gros, comme disait Camille, t'arrives à la fin du jeu et puis tu t'aperçois que finalement ça va pas, donc faut tout reprendre depuis le début, quoi. Ah la rage! Là, ça doit. Ouais. Là, quand même, tu dois avoir une belle grosse boule au ventre. Ouais, tu laisses le jeu de côté pendant 1 ou 2 mois. Oui, voilà, c'est ça, tu fais une pause parce que ça te saoule d'avoir investi autant de temps à. Sur le jeu pour finalement rien, parce que ça aboutit à rien. Et puis t'aimes tellement le jeu que tu finis par y revenir de toute façon. Donc, c'est ce qu'on appelle le rage quit du routeur, en fait. Ouais. Enfin, moi, randomizer, c'est un petit peu différent, parce que quand je lance un run, je me prépare à... Mentalement, je sais très bien que je peux faire tout le run et au boss final, que ça passera pas. Donc je suis plus ou moins préparé à ça mentalement, donc je sais qu'après 13 heures de run... si ça passe pas quoi, c'est pas grave, je retenterai une autre fois. Donc si j'ai bien compris, le randomizer c'est un petit peu du best jump, mais en me demandant si t'as vraiment un parachute dans le sac quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux passer tous les ennemis du jeu et arriver au boss final, il te dit non, tes compétences ça te permettent pas de passer, donc soit tu vas farmer pendant 3 heures, soit tu t'arrêtes là. Et non, forcément mais... speedrun, l'intérêt de farmer pendant 3 heures, que ce soit pour le runner ou pour les viewers, surtout quand il y a une notion de PB, c'est vrai que Donc le personal best, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, le meilleur temps qu'on ait effectué dans une catégorie précise. C'est vrai que quand on se dit, bon, bah, j'ai une demi-heure d'avance, j'arrive au boss final, si je ne le bats pas, il faut que j'aille farmer pendant 2 heures, bah, au final, bah, j'ai 1 heure et demie de retard, donc ça ne sert plus à rien. Non, mais... Ouais, la finalité reste, entre guillemets, ouais, toujours la même et tout. Mais j'avais une question totalement débile. Ouais, c'est un peu ma spécialité. Comme d'habitude, hein, t'inquiète pas. Mais oui, c'est ça. C'est, mais faut... Attends, depuis le début, j'étais un poil... tout autant qu'on a tous, quand on effectue un déménagement, qu'on se retrouve devant un camion, le principe du mode Tetris qui se met en tête, en disant, voilà, tiens, on va tout caler, et on se met en mode Tetris. Pour le routing, dans la vie de tous les jours, ça sert ou pas? Itinéraire, GPS ou autre, optimisation, parce qu'il faut passer par la grand-mère avant d'aller chez le tonton, non? Bah, disons que moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, donc je planifie tout, en fait, quelle que soit la tâche. Je vais toujours planifier ce qui se passe dans ma vie. Bah, j'ai l'impression, vous allez peut-être me contredire, qu'entre guillemets, hein, j'ai peut-être totalement faux, mais avec la discussion qu'on a eue, de se dire on peut deviner à peu près la personnalité de la personne en fonction du système de routine que vous avez mis à peu près en place. Peut-être bien. Ouais, je pense que en fait, on est un petit peu tous pareils dans le sens où, à mon avis, c'est plus notre personnalité dans la vraie vie qui nous a amené au routing plutôt que le routing qui nous a servi dans la vraie vie. Je pense que c'est ouais. plus dans ce sens-là. C'est ça, je suis certainement. De toute façon, on sert de nos points forts pour baser le routing là-dessus. De toute façon, comme je disais, et après, il y a routing pour notre affinité et après routing pour vraiment gagner du temps. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Et après, comme disait Camille ou je ne sais plus qui, on adapte notre vie réelle vraiment au jeu suivant nos affinités, nos points forts, nos points faibles, etc. pour créer un routing tout simplement. De toute façon, je pense que quelqu'un qui... apprécie pas le routing ne peut pas en faire parce que ça demande tellement d'investissement. Qui aime pas s'entraîner, du coup ça va être compliqué pour lui d'avoir un très bon temps. Enfin, quand je vois mon exemple, moi j'adore résoudre un peu des problèmes ou ce genre de choses quoi. Donc d'un côté le problème là par exemple c'est passer un boss, donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour le passer quoi. Exactement. Il y a peut-être des personnes. Bah, je me dis, Kevel, toi, tu es un peu un fan de l'informatique, un peu, vu que t'as regardé dans la RAM map, etc. Et ben, figure-toi que pas du tout. J'ai pas de compétences prédestinées, j'ai pas d'études prédestinées pour faire ça. Bah, c'est j'ai juste une logique, peut-être, de comment ça a été codé, comment ça a été fait. Qui m'a dit ah bah tiens c'est comme ça que ça marche. Et généralement en plus ce qui était ouf c'est que quand je trouvais la solution je me disais ah le jeu il veut que je fasse ça. Là, c'est bien ce que je dis au départ, le jeu te dit viens on est bien et après au bout de 2 heures au bout de 2 heures t'as envie d'arrêter parce que le retour de RNG comme on appelle ça. Tout à fait. Ah mais de toute façon avec Kevel on voit jamais Dolette donc bon c'est pas grave. Bah si justement tu vois Dolette mais tu vois jamais la suite. Non, trois quarts des quêtes tu bloques sur le farming des cartes mais bon. Non plus maintenant. Plus maintenant. Ouais maintenant ça c'est plus comme ça. Ça fait un petit moment que tu n'es point venu. Il y en a une demain si tu veux. Déjà que t'as fait en affaire une aujourd'hui, heureusement que je t'ai rappelé. Mais ouais, grave. J'étais en mode, ah oh, là je me sens bien, là, je me sens chaud, là, et vas-y. Ah ouais, dommage. Bon bah à demain, c'est pas grave. Au final, ce qu'on peut en retenir et ce que je vois, comment dire, avec ce que vous avez dit, la chose la plus importante, c'est la persévérance. Vous avez tous beaucoup, beaucoup de cœur à créer votre routine et passer beaucoup de temps, comme tu disais Néo. Bah tu passes énormément de temps à bûcher, c'est le routing qui se fait à toi et inversement il y a un vrai travail de persévérance qui est assez hallucinant quoi. C'est vraiment à la dure, c'est je m'entraîne jusqu'à temps que je maîtrise tout, je fasse pas d'erreur. Parce que encore quand c'est le jeu qui me dit non, bon c'est pas trop grave. Le truc que je déteste c'est faire des erreurs et donc du coup le training et le routing, il faut vraiment aimer ça. C'est quelqu'un qui aime pas faire ça. De toute façon, il avancera jamais, il arrêtera, il abandonnera. Ça, c'est véridique. Moi, je trouve le fait d'avoir routé soi-même le jeu, c'est... Tu ne l'oublies pas, en fait. Tu sais oui, ce ouais, que tu as fait. C'est plus facile à retenir. Alors que quelqu'un qui arrive sur une run, qui l'apprend et qui arrive comme ça et qui juste va lire ce qui a marqué sans comprendre même pourquoi il va le faire, mais c'est marqué, alors fais-le. Qui fait la run comme un routeur va l'avoir fait. Et surtout aussi, il n'aura pas la maîtrise, parce que je vois, je me souviens, il y a quelques jours ou quelques semaines, je sais plus, je regardais quelqu'un s'entraîner sur la fin de la glitchless de FF6, quoi. Et rien qu'à voir son entraînement, tu voyais que le mec suivait des notes. Mais il était en mode limite blind run, quoi, si tu veux. Donc, ouais, alors oui, voilà, il comprend pas ce qu'il fait, exactement. Voilà, et en fait, je me dis, mais c'est bien. Voilà, viens nous expliquer. Alors que les notes, explication, quoi. Pour une petite anecdote, c'était sur le boss final, Kafka qui est en 4 parties. Et normalement, les runs, les notes, c'est pendant la transition entre deux persos, entre deux phases, où tu vas regarder ce qu'il faut faire. Et après, tu vas t'agir. C'est pas pendant le combat, alors que voilà, le mec, en fait, si tu veux, au début des phases, il mettait une pause de 2 minutes. Faut pas faire ça. Non, voilà. Faut lire le. Alors déjà, moi, ce que je conseille à toute personne qui veut s'investir dans un speedrun, si vous voulez partir blind, pourquoi pas, mais lisez au moins une fois le routing. Juste le lire, même si c'est... comprends pas au moment où je le lis, je l'ai déjà lu. Donc à un moment, je vais arriver devant les trucs et je vais me dire « Ah, c'est ça que j'ai lu ». Et du coup, là, quand je reviens dessus, « Ah oui, c'est... on l'a un petit peu en tête. Lisez-le une fois. » Le conseil de base aussi, pour pas partir à l'aveugle sur un routing, c'est le fait de simplement dire aux gens avant d'attaquer, parce que j'ai même pu le voir sur Twitter ou autre, où il y a des gens qui vont même pas avoir fait le jeu auparavant en casual, quoi, qui vont se dire on m'offre un routing, on m'offre un plan, un itinéraire à suivre, je vais juste faire ce jeu en suivant exactement les consignes qu'on m'a données. Et je trouve que derrière, on perd énormément, quoi, justement, comme vous disiez, pour la compréhension même du routing. Tu as forcément des choses que tu vas mieux comprendre et mieux assimiler plus facilement si tu as déjà effectué le jeu, je pense, en mode casual. Je sais pas si vous m'en rejoignez. Ouais, déjà, je pense que la première étape est de connaître son jeu. C'est je pense, la base. Si tu n'aimes pas le jeu, ne le run pas. Donc déjà, si tu aimes le jeu, c'est que tu as déjà joué. Tu vas pas aimer quelque chose juste parce que c'est joli. Enfin, je sais pas. Après, je veux dire, ça dépend aussi. Pour certains, les blind runs, c'est un défi. De terminer le jeu sans y avoir joué, ça peut être un défi. Au moins, ça te permet déjà d'une de vérifier les notes et savoir de deux si tu es capable de réagir et de terminer le jeu sans y avoir déjà joué avant. Et de c'est, ouais, c'est quand même c'est un genre, gros défi quand même. Alors le mec m'a fait un routing, allons tester ce routing. Voilà, c'est ça, mais il y a des gens qui connaissent pas du tout le jeu, qui ne l'ont jamais fait, mais ils voient ça comme un défi de le terminer le plus vite possible sans y avoir joué. Même s'ils sont nuls, c'est quand même impressionnant de se dire qu'ils ont jamais fait le jeu en casu, mais ils ont quand même ce courage d'aller le faire et de se dire je peux y arriver. Ça reste assez impressionnant. Après, je comprends tout à fait vos points de vue aussi, mais après tout dépend des objectifs de chacun, comme je disais. Après, ces personnes-là, je pense pas que leur objectif après ça de runner sérieusement ce jeu-là, quoi, si tu veux. Donc, oui, si tu pars en blind run sur un truc, c'est juste pour faire une run, faire un temps avec tes viewers. Voilà, par exemple, je prends mes exemples perso, désolé. Sur FF8, j'ai fini la run. Une fois, je m'étais vite fait entraîner jusqu'à la moitié du CD3. Le CD4, c'est fin de CD3, j'y connaissais que là. J'étais avec les notes de Logic où j'étais tellement en mode blind run. Et à certains moments, je me souviens, j'ai dit à un viewer « Ouais, putain, faut aller où, quoi ?» Ouais, parce qu'en fait, dans le routing, nous, c'est pour vraiment pour les personnes qui connaissent déjà le jeu. On dit pas le chemin précis à prendre. On décrit juste étape par étape ce qu'il faut faire. Donc, pour quelqu'un, c'est vrai, qui a jamais fait le jeu, du coup, entre chaque étape, eh ben, il est perdu. Là, juste étape par étape, je reviens là-dessus. J'ai fait récemment, alors il y a le programme Discord donc, que vous devez connaître. Il y a la communauté FF Speedrun dessus qui recense un peu tous les FF finalement. Et sur le Discord FF8, il y a un mec qui arrive et qui demande, ouais, il y a pas une liste des écrans sur lesquels le step counter est actif, tout ça, tout ça. Puis bah moi, comme je le connais vachement bien le jeu et que j'ai un programme qui s'appelle D-Link qui me permet d'avoir la décompilation en fait du CD et d'extraire tous les écrans en fait vides, sans personnage, sans rien n'afficher si ce n'est le décor quoi, l'écran vide. J'ai pu sortir en fait tous les écrans comme ça à l'affilée avec les noms. Par exemple, pour la Fire Cavern, la caverne Bifrid, j'ai mis Fire Cavern 1, 2, 3, 4, 5, et il y a des écrans sur lesquels le step counter n'est pas actif. Du coup, j'ai enlevé les écrans, etc. Bref, j'ai compilé toute cette sé sélection d'écrans. Ça m'a pris 2 heures. Je lui ai dit, bon, bah tiens, voilà, il est actif là-dessus, débrouille-toi. Et le mec était tout content, quoi. Donc, ça dépend. Ça dépend de l'accessibilité au runner, que s'il ne connaît pas le truc, s'il demande une spécificité. Moi, par exemple, je serais prêt à mettre écran par écran, direction par direction, qu'est-ce qu'il faudrait maintenir, etc. J'y pense fortement, il y a des fois. Donc oui, ça peut avoir un truc vraiment point par point, quoi. Bah moi, je me dis aussi sur des runs longues et pas forcément faciles, avoir un minimum de facilité d'accès pour les nouveaux, pour d'un côté attirer d'autres runners qui se mettent au jeu, c'est pour ma vie pas une mauvaise chose. Et donc, rien qu'au début, mettre les directions, c'est déjà une bonne chose, quoi. Donc, Mais bon, après, je trouve que ça simplifierait trop le truc et que ça serait trop du. Bon, bah, je lis les notes, quoi. Il y a aussi l'identité du runner, le fait qu'il ait son propre step counter. Il y a des fois, il jouait des step counters affreux. Ça me fait bien rire. Ah, mais souvent c'est parce que le mec a raté son a perdu son stem counter, mais il quand Il même sait comme même, un il savait con, même pas où. il savait même pas où, et de plus Il était ils perdu se dans les sont comme des burns. couillons à vouloir continuer à appliquer ce qu'il faisait C'est avant ça, quand c'est ça ça. marche, sauf que Alors que du coup c'est totalement déréglé, donc ça sert et plus à ça c'est rien. Oui, totalement il s'en rendait réglé, pas voilà. compte. Et bah, alors il lise bêtement les notes. Ah, voilà, après ils disaient ouais, marche ça ou pas là? Bah ok. mais Mais pourquoi? Bah pour alors que retarder le combat. Bah oui, mais le combat a déjà eu lieu. Bah alors, ça sert à rien. Bah oui. c'est ça, puis quand t'es dans des situations comme ça, tu te casses plus la tête, tu cours, quoi. Ouais, clairement. Mais non, les gens, ils marchent, hein, t'inquiète. Il est marqué marcher, alors ils marchent. Ah bah ça. Ben Des gens qui prennent les notes, des moutons, t'en trouveras partout. Après, quand tu débutes, bon, moi je sais que je posais beaucoup de questions à tout le monde. J'ai l'impression de faire chier les gens, mais non. c'était pour avoir une meilleure compréhension du jeu, pour pouvoir m'en sortir, tu vois. Après, tout le monde ne réagit pas forcément et ils ont les notes, c'est bon, ils vont y arriver, ils ont juste à les suivre. Mais à partir du moment où tu cherches à comprendre comment ça fonctionne, j'avais l'impression que je faisais tout le temps chier les gens parce que je posais toujours des questions à la con. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et ben moi j'ai Les gens l'impression de ils faire détestaient chier un les gens. câble. Moi j'ai l'impression de faire chier les gens à leur expliquer comment le jeu fonctionne en fait. Voilà. J'ai Non, l'impression qu'ils sont en mode, non, oh là là, mais on s'en fout mon gars, non, non, mais mais fais ta non, run non, là, allez non, go! Kevin, tu perds, tu fais pas chier les gens, tu perds les gens, c'est différent. Ah ouais. Il faudrait Déjà que que je je parle, me mette je devant pense un que tout. tableau. Alors mes enfants, je vais vous expliquer, fais vite. Déjà, je pense que tout à l'heure, dès que t'as parlé de Danger Value, c'est bon, on en a parlé la moitié, ça Ah y est. bah, non, tu vois, ça a été. Non, l'explication. Perso, qu'on dit, elle était plutôt claire, quoi. Qu'au Non, mais final, toi, ça c'est quand tu es explication, intelligent, oui, toi. c'était peut-être un petit peu les termes pour les personnes qui connaissent pas forcément, qui viennent d'arriver, ils écoutent. PB, ils connaissent pas. Danger Value, ils connaissent pas. C'est vrai que Step counter, pour ils nous, ça connaissent paraît pas. simple. C'est vrai que c'est Ah vachement ouais, important pour pour nous, nous, c'est ça genre, paraît simple. on Mais est né avec pour ces mots-là, certaines quoi. personnes, en termes spécifiques, Danger Value, Danger Limit, bon, Danger Limit, par déduction, on peut y arriver, mais... Bah, je t'avoue, c'est ce que j'ai fait, hein, Voilà. Mais c'est bien, justement, 95% des termes qui ont été donnés, j'y comprenais que dalle, que mais tu pareil. retraduises. voilà, que tu retraduises par derrière nous pour que le mortel des, le commun des mortels puisse comprendre un petit peu ce que Je me dis notre que si langage j'arrive codé, à quoi. déduire, attends, si j'arrive à déduire ce que qu'on a traduit entre guillemets ce que vous dites, je me dis que le commun des mortels peut réussir à le faire. Ah, non mais toi tu parles anglais, c'est quoi? Ouais, mais tu vois tout à l'heure l'explication de Kevel, au final, elle était pas super complexe. J'ai Oui. essayé de simplifier, hein, parce que. Ouais, je l'ai pas trouvé effrayante quoi. Il y a eu la partie des 256 octets ou autre qui était là peut-être à côté, mais l'incrément, le danger value, en même temps, c'est des termes anglais mais qui sont aussi comment dire francisés entre guillemets. Quand t'entends danger, increment, danger, voilà, tu peux faire une Danger, faut pas y similarité. aller de toute façon. Voilà. Et t'entends, comment dire, les. Non, sincèrement, j'ai trouvé ça pas super. Après, les PB ou autres, même ça, t'entends les PB, même en athlétisme, désormais, tu l'entends. Hein. Si les gens ne sachent pas ce que c'est qu'un PB, alors que tu l'entends en athlétisme ou dans différents Ça nous jeux arrive des JO. fois sur nos streams. C'est quoi PB? C'est quoi WR? Et du WR? coup, on réexplique à tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a des gens d'impression qui Ouais, sortent pas de des leur fois, ça campagne, doit être quoi. des trolls quand même. Je pense, ouais, quand même, Ouais, mais parce bon, que. en tant que streamer, En tant c'est que normal streamer, t'as d'offrir une envie de explication. lui répondre. Tu dis, bah, viens, viens, Mais mon bon, joueur, c'est. viens, je viens, on fait câlin. Mais bon, c'est loin du jeu troll classique qui te dit, ouais, de toute façon, faire un speedrun, c'est gâcher le jeu. Ah ouais, Ah, non, ça, celui-là, je l'ai j'arrive pas très encore souvent, eu. Je l'ai pas malheureusement, encore eu, Sir. mais. Ouais. Non, Je mais. guette. Je pense que j'essaie de faire confiance à l'humain et au minimum de compréhension. Si vraiment ça va loin, je demande ou je francise. Comme tout à l'heure, il y a eu un terme, vous disiez partir en blind. J'ai, qu'on dit dans une phrase, je suis retombé en disant si on commence le jeu à l'aveugle, pour bien faire comprendre que voilà, le terme blind, ça voulait dire à l'aveugle. Je le fais pas ouvertement, pour pas, entre guillemets aussi, je veux pas prendre les gens pour des imbéciles et leur dire alors, le terme blind, c'est aveugle. Je réutilise le terme, je le traduis et je le redonne aux gens. J'essaie de le faire un petit peu plus discrètement, d'essayer, je veux pas prendre les gens pour des imbéciles, c'est pas ça, mais justement leur amener ça naturellement, sans qu'ils ressentent à un moment qu'ils vont juste se dire ouais c'est bon, maintenant j'ai compris. Ils vont pas se dire ah, le mec il m'a pris un petit peu pour un pas doué, et, il m'a fait la traduction obligatoire parce que la personne qui elle va comprendre va peut-être trouver ça aussi entre guillemets lourd, le mec qui fait la traduction de tous les termes. C'est un petit peu ma façon de faire, même si elle est moins Non, mais c'est lisible. bien, t'as raison. Je pense qu'elle est un petit peu moins lisible que directement parler, mais j'essaie de le glisser. Par contre, les personnes qui comprennent pas PB ou WR, je suis désolé, mais à un moment, tu peux tendre la main. Comme tu disais, sur un stream, tu peux à la rigueur le faire. Mais imagine pour les gens qui écoutent tout le temps le podcast, si à chaque podcast, je leur dis qu'est-ce que c'est que PB, qu'est-ce que c'est que WR en Ah, répétition mais il continue. y a des gens, ils n'ont peut-être pas forcément écouté les autres podcasts avant, tu vois ce que je veux dire? Ah C'est pour ça que je oui. voulais dire ça. Voilà. Mais par contre, pour tous les gens qui ont écouté avant, ils vont m'entendre dans chaque Voilà. émission, Répéter à refaire. chaque fois, ouais, j'avoue. Et j'avoue qu'ils vont me dire, mais il a un Faut tic de mettre un petit langage, astérix quoi. en dessous. Ouais, Les voilà. termes techniques, tu les remets à chaque fois en dessous, un petit astérix. Voilà, ouais. Justement, c'est. Bah justement, il y avait ça. Bon, c'était que sur la fin de. La vidéo de que faisait Realmiop et Cardona, je sais plus ce qu'ils faisaient. Merde. Je sais plus le nom de l'émission qu'ils avaient. 80 max à Speed l'heure. game. La Speed Game, voilà. Ou C'est 80 miles à que. l'heure. Ouais, Ouais, c'est que en fait, ça. eux, ils mettaient assez en mode sous-titrage la signification des termes, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, Ou nous, on est en l'expliquer vaguement, audio. mais sans rentrer dans le détail pour Voilà, c'est peu. ça. Mais Bah, bon, nous, on peut pas trop le faire, donc. ou sinon, on fait une intro. Bonjour, bienvenue dans le lexique de Speedrunner, l'envers du décor. Ou Aujourd'hui, on alors, saura on utiliser met le tout terme l'ex. blind. Ou alors, on met tout lexique dans les notes, mais bon, ça va faire des longues notes. Ah bah oui. Ah Sinon, là là, si, on si peut on faire une partait intro, là-dessus. hein. Moi, j'ai un code couleur sur le routing papier qui est couché sur le traitement de texte, on va dire. J'ai pas d'imprimante chez moi, donc papier. Le routing, il est coloré, mais genre de ouf malade. Il est arc-en-ciel, limite. Bah, je Il pense. y a des gens, quand ils arrivent dessus, ils se disent, ah, trop de couleurs. Bah ouais, mais moi, il n'y a que comme ça que Bah, j'arrive à comprendre. Bah en même temps, trop de couleurs. Et, non, bah, et le code couleur, il est où? Bah, en même temps, c'est lis simple. Le routing et il va te sembler simple le code couleur après. Ah, c'est ça. Mais de toute façon, c'est pour moi, pour quelqu'un qui fait des nodes, de toute façon, il faut un code couleur parce que tu peux pas passer 3 minutes à relire ton pavé de texte et Ah ouais. regarder Pardon. pour retrouver où ce que t'en es, quoi. Donc voilà. Genre les éléments importants sont fluo. Il est là. Bah, moi, pour moi, par moi exemple, je l'ai mis en taille 36 ou 42 pour les éléments ouais, importants. Ouais, carrément. Non, pour moi, il y a un truc classique. Par exemple, sur FF6, j'ai deux types de menus. J'ai des menus d'équipement, on va dire, et des menus d'achat. Donc, moi, j'ai surligné en vert tout ce qui. J'ai surligné en vert tout ce qui est menu d'équipement et en bleu tout ce qui est menu d'achat. Donc, pour séparer deux et voir en gros quand j'arrive dessus, quoi. Donc, différencier les types de menus. Donc, on va essayer de retourner parce que là, je crois qu'on a digressé un peu, mais. C'est ça la magie du podcast. Exactement. La dernière, tu commences à parler du bleu et tu finis par parler des plans de ta vie, de ta voisine. Exactement. Mais après, si on veut revenir sur le routing on peut partir aussi sur l'aspect note, justement, le fait d'accoucher sur papier ce que tu dois faire, finalement, pour que ce soit compréhensible facilement, mais que ça prenne pas non plus 50 lignes, quoi. Et c'est ça aussi, c'est compresser les informations au plus petit, mais que ça soit compréhensible. Et ça, je trouve que c'est assez dur. Quand tu pars de zéro et qu'il n'y a rien de fait, que t'es vraiment... 0-0 et que tu fais tout toi-même. Ah là, j'ai trouvé cette partie de routing assez éprouvante en soi, à écrire, à dimensionner. Bon, après, c'est de la mise en forme, tout ça, mais c'est aussi ça, le travail de routing. Tu vas me faire dériver sur une question que je voudrais poser à Camille Nico. Sur le randomizer, justement, comme tu disais, tu pars un petit peu à l'aveugle, mais ouais. Tu dois avoir une méthodologie quand même que tu mets en place. Alors dans FF10 en fait il y a des compétences qui sont quasiment indispensables pour finir le jeu en speedrun. Donc au début du run, en fait, ma première étape c'est de récupérer un maximum de personnages. On les récupère assez vite dans le run, mais pendant 1h30 je suis dans le flou total, c'est-à-dire que je ne sais pas quelle compétence je vais avoir. Au bout d'une heure et demie, j'ouvre enfin le menu et à ce moment-là, je m'accorde 2-3 minutes. Pour des raisons de temps, hein, bien entendu, puisque j'ai mon timer qui tourne à côté, je m'accorde 2-3 minutes pour regarder mon sphérié, quelles compétences sont situées à quel endroit, quels personnages vont pouvoir développer soit une meilleure attaque physique, soit une meilleure attaque magique, qui est proche de telle compétence. En fait, à chaque fois que j'ouvre mon sphérié, je dois le faire, entre 5 et 10 fois selon comment il se présente. Mais à chaque fois que j'ouvre mon sphérié, je me laisse 2-3 minutes pour me donner une orientation, pour en faire une petite photo dans un coin de ma tête et y réfléchir pendant les cinématiques suivantes. L'analyse. Voilà. Donc, c'est pas toujours facile, parce que contrairement à un speedrun... Alors, il faut savoir qu'en plus, FF10 est un jeu assez long. Donc, un speedrun classique de FF10 est assez éprouvant, comme un speedrun de n'importe quel RPG. Mais en plus, là, ça demande une réflexion pendant quasiment tout le run. Pendant un run qui dure en général entre 12 et 13 heures. C'est-à-dire que pendant les 8 à 10 premières heures du run, je suis en train de réfléchir à chaque moment où j'ai une pause, de me creuser la tête pour savoir quel personnage va apprendre telle compétence, etc., etc., parce que ça va être utile contre tel boss. Sur ce combat-là, le combat va se dérouler dans cet ordre, c'est-à-dire que ce personnage attaquera en premier, il fera telle action. Tout doit être décortiqué, en fait. Et c'est ça qui rend le speedrun compliqué du randomizer. Il est assez éprouvant mentalement. En fait, quand je t'écoute... Il est très fatigant. Quand je t'écoute, pour moi, le randomizer de FF10 est beaucoup plus compliqué que celui de FF9, par exemple. Parce que FF9, en fait, tu vas juste recouper au fur et à mesure les objets, tu vas voir qu'est-ce qui est d'un côté ouais, possible. Donc facile, ça t'arrive progressivement et pas tout d'un coup. Alors que c'est ça. Alors que FF10, oui, c'est d'un coup tout le bordel, quoi. Donc, la grosse différence aussi avec FF9... Alors, je dirais pas qu'il est plus facile, parce que... Sur celui de FF9, il faut composer avec les compétences qui nous sont données, et je connais pas assez le jeu pour dire ça. Même si ça m'intéresserait d'en faire un jour du randomizer sur FF9 d'ailleurs. Ouais, sur FF9, il y a toujours certaines limites sur le randomizer, dans le sens où on va quand même devoir à certains moments équiper telle arme contre tel boss, les récupérer dans tel ordre. Il y a une certaine chronologie, c'est-à-dire que non, on ne récupère pas toutes les compétences en même temps. Alors que sur FF10, toutes les compétences sont placées sur le sphérier dès le début de la partie. C'est-à-dire que dès le début de la partie, on va devoir prévoir quasiment tous les combats du jeu. J'ai une petite question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en milieu de run de t'apercevoir que, par exemple, on va prendre pour les personnages, des persos pour être plus explicite, pour par exemple Riku, si tu l'avais monté à gauche, eh ben, elle aurait eu une compétence de ouf malade que tu n'avais pas vue. Et que tu regrettes de ne pas l'avoir vu plus tôt, finalement, ou genre, t'arrives à un moment de la run, à la moitié, et tu n'avais pas pris en compte Riku parce qu'elle avait un petit sphérié de merde au début, alors voilà, tu l'as pas fait avancer de ouf. Mais un petit peu plus loin, tu n'avais pas vu qu'il y avait un truc complètement taré qui t'aurait sauvé les miches plus d'une fois, sûrement, ou qui t'aurait fait gagner masse temps, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce genre de cas figure? Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'était au bout de... je crois que c'était... ouais, on était par là, ça devait faire 8 ou 9 heures de run. Ouais, aux alentours de 8 heures de run, où en fait, j'étais dans une situation où... je me suis dit, bon, bah, je suis complètement bloqué ici, je peux rien faire, malheureusement, je peux pas passer cet endroit, j'y arriverai pas. Et en fait, je me suis rendu compte après le run, une fois que j'ai arrêté et une fois que j'ai coupé le stream, je me suis dit, non, mais il y a un truc que je fais dans aucune autre catégorie, mais qui là aurait pu m'être utile. Et je m'en suis rendu compte une fois que j'ai stoppé et avec, c'était pas juste après, c'était genre une demi-heure ou une heure après, à froid, quand j'ai arrêté d'y penser et d'y réfléchir. Et de voir en boucle mon sphérier, je me suis dit non, mais en fait, c'est ça qu'il fallait que je fasse, ça aurait pu sauver mon run. Donc oui, ça arrive, parce que forcément, en faisant du routing comme ça en live, c'est difficile de à la fois analyser bien et analyser vite. Et on n'a pas de recul, contrairement à un routing sur un run où on va pouvoir revenir 3 ou 4 fois dessus. Ici, je peux pas me permettre de passer 10 minutes dans un menu. Oui. Parce que mon run commence à être plus ou moins optimisé, je l'ai fait plusieurs fois, donc je sais que si je perds 10 minutes sur un menuing, ce sera très difficile, enfin ce sera difficile de les rattraper, à moins d'avoir des compétences très très intéressantes à aller chercher. Après, les runs ne se ressemblent pas au fur et à mesure. T'en as fait combien là déjà des les randomizers, non, des faire... randomizers. Ouais, des randomizers, j'ai dû en faire une petite dizaine. Une petite dizaine. Et sur ces 10 runs, il y a des fois des setups qui te sont parus similaires, disons, genre en fait, j'ai à peu près autant de force, ou allez, ça passe. Non, j'ai quasiment jamais eu les mêmes setups. Les seules similarités, c'est que je vais aller chercher des compétences dont je parlais tout à l'heure, qui sont Quick Hit et Double Cast. Quick Hit, qui est une capacité très puissante, qui permet de lancer des attaques physiques à grande vitesse et donc de griller des tours aux ennemis, donc de les attaquer plus de fois, et double cast qui permet en une seule action de lancer deux magies, c'est-à-dire que en gros on a deux tours au lieu d'un. Les runs se ressemblent jamais parce que il y a tellement de cases sur le sphérier, il faut savoir qu'il y a à la fois les compétences mais aussi les statistiques qui sont mixées, c'est-à-dire que c'est compliqué. Les plus 4, les plus 3, exactement, tout ça. Ouais, voilà, il y a des moments où on va avoir des cases plus 4 dès le début, tout ça. Donc c'est très compliqué de retomber sur le même run. Ça m'est jamais arrivé de me dire dans tel cas de figure, ah ouais, j'ai déjà eu une situation comme celle-ci. En revanche, je sais que ce soit les runs Nomix ou les runs, le fait d'avoir routé le Nosphere Grid et d'avoir runé du Nosphere Grid, ça me sert dans ces moments-là. C'est une expérience qui me sert. Plus je fais parce de run, plus j'évolue. Je peux passer sans ça, quoi. Puisque de toute façon, ça passerait sans sphérié. Alors, tu peux. Voilà, c'est ça. Et du coup, par exemple, pour la solution dont je parlais tout à l'heure avec Kimari, je sais que j'aurais pu la passer avec le Nosphere Grid, par exemple. Avec les strats du Nosphere Grid que j'ai trouvé depuis. Mais c'est presque ça, du coup, la petite astuce, le randomizer, Nosphere Grid. Ah ça peut être, après ça a très peu d'intérêt. Ça rend de mieux, mais dans ce cas-là, oui, c'est sûr que Je sais pas, si... je pense que j'améliorerais mon PB en Osphergrid à faire ça. En randomizer, pardon, à faire ça. Mais, après, mais il c'est faut pas la plier assez rapidement quand même. Bah voilà, c'est ça. Mais après, c'est pas l'intérêt. L'intérêt et le fun du randomizer, c'est d'avoir des compétences assez particulières sur ces personnages en début de jeu, etc. De réussir à one-shot les boss du début de jeu, des choses comme ça. Donc, voilà. Par exemple, on peut avoir Waka qui fait double cast avec Flair, quoi. Voilà, par exemple. Mais après, les personnages ont quand même des statistiques de base qui sont très influentes sur leurs dégâts, c'est-à-dire que on a des personnages plus à vocation magique qui vont faire des dégâts magiques importants, et on aura beaucoup de mal à faire atteindre ce palier de dégâts à des personnages qui commencent avec un archétype plutôt physique. Ouais. Donc malgré le fait que ce soit tout randomized, que tout soit mélangé sur le sphérier, on va plutôt avoir tendance à laisser les magiciens aller vers des cases magiques et les attaquants physiques aller vers des attaques physiques, puisque sinon ça nous ferait perdre du temps et de l'optimisation sur le sphérier. Donc là, on a eu une belle discussion, un bonus offert sur du routing. J'avoue, là, je me dis, derrière, j'ai le montage, donc ne m'en veuillez pas si je raccourcis un poil. Il n'y a pas de problème. J'essaie de, comment dire, je vais vous poser une petite dernière question pour ma part. C'est quel pour vous, si une personne, elle est toute simple, mais si une personne veut se lancer dans le routing, quelle est pour vous la qualité première qu'elle doit avoir? Je vais demander, d'abord, je vais demander à Kevel. Connaître son jeu. Pour toi, c'est connaître son jeu. Pour Camille Pareil, connaissance et patience. Et pour Néo? Persévérance, jamais abandonner. Je crois que c'est le triptyque parfait. Et Aldra, pour toi? Quoi? Moi? Aldra a été perdu pendant tout le podcast. Non mais... C'est pas vrai, mais des très bonnes questions, donc... Ah mais j'attends une très bonne réponse de ta part. Oui, quoi? Je suis un... Non, mais je pense qu'en l'occurrence, non, les trois termes... Bah, si t'en veux une, je dirais l'ingéniosité, en fait. De l'ingéniosité pour... Ouais, pour... parce qu'on va... C'est-à-dire, pas rester... Innover. Voilà, c'est ça. Pas rester dans les mêmes trucs classiques. Peut-être que quand t'as routé, t'as utilisé telle stratégie pour tel boss qui à peu près ressemble un peu. Et puis après, t'as sur un autre boss qui ressemble un peu. Mais à cause de son pattern ou un truc, ça va pas passer. Donc, il faut réussir à se détacher de ce que t'as fait avant pour attaquer de nouvelles choses, en fait. Si on parle en termes de routing récent, par exemple, la Kinos Pourcent, qui est donc la catégorie qui m'a fait mettre au speedrun, je suis en train de la rerouter. On est à une heure de jeu, c'est déjà tout chamboulé. Voilà, t'es arrivé, t'as tout balayé, je refais le puzzle. Mais après, c'est totalement. Le et en plus, du coup, le world record honneur de cette catégorie, celui qui détient le world record actuellement, qui est anglais et tout ça, on a des belles discussions de routing ensemble. Justement, le fait que j'ai mis mon nez dedans, bah, on vient de trouver un setup qui nous permet, donc sur FF8, la force, c'est de transformer des cartes. On transforme la Quistis carte et la Zell carte, qui nous permettent d'avoir une force complètement démesurée en début de jeu. Et donc là, ce que j'ai trouvé, moi, c'est qu'on a la transformation de carte disponible plus tôt, ce qui nous fait gagner énormément de temps. En tout dernier... Il nous tease. Ouais, c'est exactement cela. J'avais une toute dernière chose. Est-ce qu'il y a, qu'on dirait, un sujet, forcément, hein, parce que vu que je suis un noob, est-ce qu'il y a un sujet ou autre que j'ai esquivé, auquel je suis passé à côté, que vous auriez voulu parler? Après, je vous demanderais juste de ne pas relancer pour une heure, hein, parce que j'ai des heures de sommeil à conserver, mais est-ce qu'il y a une chose ou autre, un thème que vous auriez voulu aborder ou dire aux gens en priorité? Restez motivé. Et donc, j'ai à peu près abordé tous les thèmes et vous pensez que, comment dire, en l'occurrence, cette présentation du routing est plus que correcte et que j'ai bien fait mon travail et que je mérite que des éloges. Oh oui, alors, non, non, entre par tes contre, questions non. Et puis les questions qu'on s'est posées entre nous, je pense que c'était bien. Je suis très content. Ouais, je pense aussi qu'on a fait un bon tour. Ouais. Bah, je pense aussi, hein, parce que moi, personnellement, là, j'ai gagné vraiment une vision plus que bonne sur le routing. Surtout, j'ai vraiment apprécié le fait que vous ayez tous bah, justement une approche différente quoi sur le routing. Et je pense que bah, pour moi ou pour toutes les personnes qui écoutent speedrunner ou comment dire noob comme moi du speedrun, ça a été vraiment bien. Donc, en tout cas, je vous remercie énormément pour ce débat. Aldra, as-tu une question ou autre que tu aimerais poser? Ouais, t'as vu, c'était quoi? Ils étaient bien, mes invités, hein. Non, j'étais parfaitement bien. Alors là, t'as fait un choix. Parfait. Hein. Ah ouais, c'est clair. À part mon co-présentateur qui était un peu perdu. Je sais pas si tu l'as remarqué, Aldra. Mais autrement. Bon, ça sera coupé au montage. On va remettre. Non, mais d'habitude, on a échangé. D'habitude, c'est moi qui arrête pas de poser des questions et toi, tu dis rien. Donc... Hein? Ah, là, c'est un peu dur, mais bon, ok. Je vais dire non, que oui. Je suis d'accord, je suis un peu dur. Je suis d'accord un peu. Il est resté très discret. Ouais, voilà. Non, mais je le remercie, quoi. Il m'a laissé faire le job et c'était vraiment sympa. Mais j'ai trouvé ça parfait, écoute. Nickel, alors, chrome, moi. Alors, attends, je note, Kevel, invitation rapidement. Hop, ça c'est bon. Tu veux refaire du FF8? Ah, quoi, ah, que non, derrière, Kevel s'est mis un autre jour. On pourra faire ça dans 2 semaines, 3 semaines, peut-être. On sait jamais. Exactement. Ben, on verra ça. On verra ça. Mais donc là, on le Mais je crois que t'as d'autres projets d'abord, cette fois, il me semble. Ouais, mais faut, comment dire, garder préparer le futur. Donc, en l'occurrence, là, on va passer au moment promotion. Hein, là où c'est nous qui récupérons les chèques. Et si vous... Et c'est là où vous pouvez avoir 2 speedrunners pour le prix d'un. Exactement. Si vous voulez bien présenter Tour de Rôle, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ou sur les Internets? Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Twitch ou autre? Donc, je lance la main à Néo. Fais-nous la présentation. Vends-toi. Vas-y. Bah, écoutez, moi, je run principalement du speedrun de RPG. Comme je disais, je fais principalement du speedrun de RPG. Donc, sur ma chaîne Twitch. Et donc, je vous invite aussi à me suivre sur Twitter pour que vous soyez prévenus quand mes lives se lancent. Et voilà. Quels sont tes nicknames C'est Neo/72 partout, soit sur Twitter, YouTube, Twitch. D'accord, Neo/72. Voilà. Très beau dernier chiffre, c'est, je ne sais pas pourquoi j'ai une latine. Bah, t'as vu. et c'est pas mon âge. Donc, oui, je troll beaucoup par rapport à ça en disant j'ai 72 ans, mais je vous rassure, ce n'est pas mon âge. Et donc, t'as légitimé ton surnom de Papineau pourtant. Ah bah voilà, c'est ça, l'origine vient de là. Je suis le doyen du speedrun. Alors, nous allons demander à Camille. Veux-tu faire la présentation et nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Ouais, bon, moi en ce moment je suis un petit peu moins stream parce que je suis malheureusement plongé dans Final Fantasy XIV, donc ça prend un peu de temps. Mais je compte reprendre les streams sur Final Fantasy X un petit peu, en randomizer, mais aussi sur un concept qui n'existe pas encore sur FF10 et que je viens de coder moi-même. Donc voilà, s'il y a des intéressés, j'en parle pas avant de lancer pour pas que l'idée soit prise, mais je referai très bientôt des streams sur un nouveau concept sur FF10. Donc voilà. Camille, il faut qu'on cause. et je vais aussi reprendre le speedrun de jeux Super Nintendo. Donc comme je disais, je sais pas trop encore. Si ce sera sur du Super Castlevania 4, du Donkey Kong Country 3 ou du Link to the Past 100%, il faut que je me décide parce que je vais participer à un marathon de speedrun qui aura lieu à Lille au mois d'avril. Donc je vais devoir traîner un petit peu tout ça. Donc si vous voulez être au courant, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch ou sur Twitter pour être au courant. Donc Camineco avec 2 i. D'accord. Et Link to the Past. Et non, justement, sur FF10, une fois que tu auras finalisé, pareil, si tu veux repasser, comment dire, pour en parler et faire l'annonce aux gens, n'hésite pas. Je pense qu'Aldra et moi, on est ouvert et ça serait parfait si tu entames quelque chose de nouveau, que on puisse faire partager la bonne information à tout le monde. Ah bah, pas de souci, je contacterai Aldra à ce moment-là quand ce sera officialisé. Ah ouais, non, ça serait parfait, quoi. Bah, si Aldra est d'accord, hein, comme il dit rien, à mon avis, il est. Mais, D'accord. Bah, de toute façon, je retrouve tout ce qui passe à ma portée avec le. Que ce soit avec mon compte perso ou avec le compte de Speedrunner, je retweet à tout va. Donc, y a pas de soucis. Ça va. Et donc, toi, Kevel, entre tes fichiers cachés derrière tes fichiers Excel et autres, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Eh bien, on peut me retrouver sur Twitch, sous mon nickname Kevel, ou sur même Twitter. J'ai une chaîne YouTube à Kevel45, où vous pouvez d'ailleurs trouver la bande-son que j'utilise sur la Kai%, qui est une bande-son remixée, disons, des chansons originales, et qui donne un peu de peps, un peu de piment à la run, je trouve. Non mais en tout cas, bah, je vous remercie encore. Alors pour suivre Speedrunner, bah, si, déjà pour vous dire, pour le podcast, bah, je vais pas vous dire où l'écouter, vu que vous êtes en train de l'écouter, ça sera un petit peu. J'ai toujours trouvé ça un peu idiot dans les podcasts. Retrouvez-nous sur Podcast. Les gens. Donc à mon avis, c'est qu'ils ont déjà réussi à trouver. Par contre, vous pouvez suivre le compte de Speedrunner l'envers du décor, qui est Aldra. Quoi? Pardon. Ah, j'en étais sûr en plus. Je l'ai dit, j'étais sûr et certain. Non, putain, bien sûr. Sur Twitter, on nous retrouve sur Speedrunner EDD. Voilà. Et toi, Aldra, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que toi aussi tu streams et tu es aussi présent sur Twitter? Ouais, bah, sur Twitter, on me retrouve sous Aldra et Lonal. Et la même chose sur Twitch, sauf qu'il y a un underscore entre Aldra et Lonal. Mais bon, voilà. Bah moi j'ai non pas le mien parce qu'il y a déjà plein de gens, ça sert pas, je tweet pas beaucoup, il y a déjà plein de monde qui me suit, donc Je t'ai quand même retweeté à chaque fois que tu tweets maintenant. Oui c'est vrai, c'est une fois t'avais un magnifique message. Pour moi, ça devait être du codé, mais bon. Non, c'est du 4h30 du matin, la tête dans le derche au boulot et le téléphone qui se déclenche dans la poche. Mais voilà quoi, mais c'est un beau message, hein. Je ne l'ai pas effacé, hein. je l'ai maintenu. T'es sûr? Hein, tu dis? Non, tu l'as effacé, je crois bien. Ah non, je ne l'ai pas supprimé, hein. Il est toujours présent. Hein. Bon. Je l'ai pas supprimé. Mais si en l'occurrence, vous voulez. Venir faire un tour sur mon compte où j'ai fait beaucoup de retweets, plus que je ne tweete moi-même, c'est @stefcore. Voilà. Une retweet machine. Exactement, oui, beaucoup plus, quoi. Bah, autant essayer de faire découvrir ce que les autres ont dit d'intelligent que de dire des conneries moi-même. c'est un adage qui doit être repris sur Twitter, hein, parce que purée, sincèrement, il y a des fois. Mais en l'occurrence, voilà, l'émission va s'achever. En tout cas, je remercie mes invités, je remercie Aldra de m'avoir laissé la main pour cette émission. J'espère que pour vous, ça a été autant un bonheur à écouter que moi y participer et à la préparer. En tout cas, je vous embrasse tous et toutes. Et on vous dit à très bientôt. Et sur ce, bah messieurs, au revoir, ciao. Ciao, bye bye. Ciao. Turn my timer on, about to start a run. Die ready, get set and go. Things are going great. Just look at this pace. World record, here we come. It's like I spoke too soon just then. Cause RNG screwed me over again. I really just want to reset. I'm stumbling over the words to say. And chat keeps asking, is this a let's play? I know I can't play like the test. But all I wanna do is go fast. All I wanna do is go fast. Everyone just laughs at me, but I can still PB. Just gotta play perfectly from here on out. Alright, here it comes. This trip will save the run. It all comes down to a moment like this. Whoa. Looks like I spoke too soon just then. Just that frame perfect trip threw me over again. I really just want to reset. I'm stumbling over the words to say. And chat keeps asking, is this a let's play? I know I can't play like the test. Oh. all I wanna do is draw fast. All I wanna do is draw fast. Yet another run comes to an end. These stupid glitches are not my friends. I just want a better time. I practice for hours every night, and still nothing seems to go right. I know I'll never play like the tens, but all I wanna do is draw fast. All I wanna do is draw fast. All I wanna do is draw fast. I just wanna draw fast.